homme de Guernesey, ce qui vous parle en cet instant, ce n'est pas moi, qui ne suis que l'atome, emporté dans n'importe quelle nuit par le souffle de l'adversité. Ce qui s'adresse à vous aujourd'hui, je viens de vous le dire, c'est la civilisation tout entière. C'est elle qui tend vers vous ses mains vénérables. Si Beccaria proscrit était au milieu de vous, il vous dirait « La peine capitale est impie ». Si Franklin Banny vivait à votre foyer, il vous dirait « La loi qui tue est une loi funeste ». Si Filangieri réfugié, si Vico exilé, si Turgot expulsé, si Montesquieu chassé habitait sous votre toit, il vous dirait « L'échafaud est abominable ». Si Jésus-Christ, en fuite devant Caïphe, abordait votre île, il vous dirait « Ne frappez pas avec le glaive ». Et, à Montesquieu, à Turgot, à Vico, à Filangieri, à Beccaria, à Franklin, vous criant « Grâce », à Jésus-Christ, vous criant « Grâce », répondriez-vous « Non ?» Non, c'est la réponse du mal. Non, c'est la réponse du néant. L'homme, croyant et libre, affirme la vie, affirme la pitié, la clémence et le pardon, prouve l'âme de la société par la miséricorde de la loi, et ne répond « Non » qu'à l'opprobre, au despotisme et à la mort.